La cérémonie d'inauguration de la colonie de vacances de Mangyongdae est réaménagée merveilleusement grâce au noble amour du maréchal Kim Jong-un pour la postérité et l'avenir. S'est déroulée le 6 en présence de Kim Sugil, président du comité du parti pour la ville de Pyongyang, des officiels intéressés, des cadres des organismes du parti, du pouvoir, des organisations des travailleurs, des établissements de l'enseignement de la capitale, du personnel de la colonie de vacances, des vacanciers, des membres de l'Organisation des enfants de Corée de Pyongyang, ainsi que des membres de la troupe de choc qui ont participé au réaménagement. Le premier cycle du campement de la colonie de vacances de Mangyongdae a commencé le même jour.